Alors donc celui qui était debout donc s'est avancé vers lui. Et il a dit, nous rappelons d'Allah. Celui qui rapporte le hadith dit, Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, comme elle est rapide donc votre destruction, ô la Ummah de Muhammad. Wallahi, l'antum ala milla ahda min Rasulullah. Il leur dit par Allah, vous êtes sur une voie qui est meilleure, une guidée qui est meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors plutôt, vous avez ouvert une porte à l'égarement. Regardez donc ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. L'un d'entre eux s'est levé. طبعا كلام ابن مسعود ايش معناه؟ Quelle est la signification de la parole d'Ibn Mas'ud? انتم على باب ضلاله. Bien sûr que vous êtes sur او انتم افضل من الرسول. Il leur a dit donc soit vous êtes meilleur que le prophète صلى الله عليه وسلم soit vous êtes sur les gardes. الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا انتم مفتتحوا باب الضلاله. Et bien sûr comme il est impossible d'être meilleur que le prophète صلى الله عليه وسلم vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. اعطاهم خيارين لا ثلاثه. Il leur a donné donc deux choix, pas trois. فقام قائم. Un d'entre eux donc s'est levé. Il lui a dit, oh Ibn Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, kenni. Oh Abu Abdurrahman, il l'appelait par sa kunya. Ma aradna illa khayra. Nous ne voulons faire que du bien. Yani, al-ikhlas. C'est-à-dire donc il visait ici la sincérité, l'exclusivité du culte. Min shurut al-ibada. Et parmi les conditions de l'adoration, al-ikhlas lillah fil qasd. Et que la personne dans son but soit sincère envers Allah. Et que cela soit, que la manière soit en conformité avec la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc seulement, il s'est donc servi seulement d'une condition. Et Ibn Mas'ud lui a dit, oui, mais il te manque une autre condition. Le fait qu'il y a une des deux conditions seulement présentes fait que l'adoration est rejetée. Il faut qu'il y ait donc les deux conditions réunies dans l'adoration, la sincérité et le suivi. Ils se sont servis de la sincérité. Et Ibn Mas'ud donc leur a répondu avec leur manque de suivi. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? أنتم على ملة أهدى من ملة الرسول يعني أنتم أنتم على طريقته طريقتكم هذه أفضل من الرسول إذن أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة إذن معناها أنتم ليستم متبعين. Il leur a dit donc, يعني vous pensez donc être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt vous êtes donc en train d'ouvrir une porte vers l'égarement et vous ne suivez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما احتج بالإخلاص قال ما أردنا إلا خيرا. Et lorsqu'ils se sont servis de la sincérité et ont dit nous voulons faire que le bien. لم يتكلم في إخلاصه. Il n'a pas parlé concernant, il ne les a pas blâmés concernant leur sincérité. Mais seulement la leçon qu'il leur a donnée donc, est maintenant prise par l'ensemble des savants pour répondre aux gens de Bid'ah. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, radiallahu anhu, et combien de gens veulent faire le bien, mais n'y parviennent pas. Il faut donc, obligatoirement, qu'il y ait avec la sincérité le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a débattu avec eux. Il a dialogué avec eux. Il les a blâmés. Il leur a montré l'argument. Et ensuite, donc, il leur a dit, ala wa inna. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أقوام. Très certainement, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a mis en garde contre un peuple. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. Il leur a dit صلى الله عليه وسلم, vous dénigrerez votre prière par rapport à la leur. ثم ذكر وصف الخوارج. Et ensuite donc il a donné les caractéristiques des خوارج. فقال لهم. Il leur a dit. وإني لا أظنهم أنتم. Et il leur a dit donc. Et Abdullah ibn Mas'ud, après avoir cité donc les awsaf, les caractéristiques des khawarij,